Chapitre 34e. Alors il s'endormit avec le calme qui n'appartient qu'au grand capitaine. Il avait fait pour le succès ce qui était humainement possible, le reste était aux mains de la Providence. Aussi, avant de se laisser aller au sommeil, l'invoqua-t-il dans une dévote prière pour qu'elle lui donnât une victoire qu'il croyait avoir bien méritée. C'était pour sa fille chérie qu'il se donnait tant de peine. Dieu ne bénirait-il pas ses efforts? Le lendemain, avant que la bataille s'engageât, il voulut veiller lui-même aux dernières dispositions à prendre et ne rien laisser au hasard. Tout d'abord, il alla dans la serre voir si le verrou n'était pas tiré intérieurement. Puis il disposa les chaises devant la grotte et tira le tête-à-tête de manière à le bien placer vis-à-vis des baies du salon. Cela fait, il arrangea lui-même les stores du jardin et les tira jusqu'en bas. Enfin, il donna des ordres pour qu'en son absence, personne ne pénétrât dans le salon et dans la serre, afin que tout restât bien tel qu'il l'avait disposé. À 2 heures, il envoya Ida en voiture aux Champs-Élysées en lui recommandant de rester avec Carmélita jusqu'à 2h55, de manière à ne revenir avec elle, rue du Colisée, qu'à 3 heures précises. Poussé par l'impatience et la fièvre, Bayeux arriva un peu avant l'heure qui lui avait été fixée. Mais cela ne dérangeait en rien le plan du baron. Mieux valait cette avance qu'un retard. Par quelques paroles adroites, le baron exaspéra cette impatience du maître de champ, en même temps qu'il s'efforça d'enflammer son espérance. Il était certain que Carmélita serait vaincue. C'était une affaire d'entraînement, de passion. Non, jamais il ne croirait, lui, baron Lazarus, que cette charmante fille serait sourde à la voix de son cœur et n'écouterait que le tintement de l'argent. Son oncle et sa mère avaient pu la dominer, mais dans les bras de celui qu'elle avait aimé, qu'elle aimait, elle redeviendrait elle-même. Que fallait-il pour cela? Assurément, il n'avait pas la prétention, lui, vieux bonhomme, n'ayant jamais été entraîné par la passion, de l'indiquer. Mais, dans son cœur, M. Bayeux trouverait certainement des élans irrésistibles. Personne à craindre, liberté absolue. Et à son grand regret, le baron dut quitter M. Bayeux. Un rendez-vous d'une importance considérable l'appelait au dehors. « Allons, mon cher monsieur, bon courage et bon espoir. » Et avant de partir, le baron voulut indiquer à Bayeux l'endroit où il pourrait attendre dans le jardin l'arrivée de Carmélita, sans craindre d'être aperçu par celle-ci. « À 3 heures, prenez patience, et aussitôt qu'elle sera entrée dans la serre, glissez-vous derrière elle, franchement, et ne craignez rien. » L'affaire qui appelait le baron dehors était en effet pour lui d'une importance considérable. Il ne s'agissait de rien moins que d'aller chercher le colonel. Il ne fallait pas que celui-ci fût en retard. Maintenant, le succès tenait uniquement à une concordance parfaite dans les heures. Bayeux était à son poste. Il allait lui-même prendre maintenant le colonel et l'installer dans le salon. Quelques minutes après, Ida amènerait Carmélita dans la serre. Alors, du simple rapprochement de ces 3 personnages, jaillirait l'explosion. C'était une sorte de combinaison chimique. Au moment où le baron arriva chez le colonel, celui-ci allait sortir pour se rendre rue du Colisée. « Passant devant votre hôtel, je voulais voir si vous étiez encore chez vous, » dit le baron, et il emmena le colonel dans sa voiture. Quelques minutes après, ils arrivaient rue du Colisée. Il était 2h50. Ida, sans doute, ne serait pas en retard. Le colonel, en entrant, se dirigea vers le cabinet du baron, mais celui-ci l'arrêta par le bras. « J'ai installé 2 comptables dans mon cabinet pour une vérification importante, » dit-il. « Nous ne pourrions pas parler librement devant eux. Entrons dans le salon, je vous prie. Je donnerai des ordres pour que nous ne soyons pas dérangés. Au reste, à ce moment de la journée, je ne suis visible pour personne et Ida est sortie. » Ils entrèrent dans le salon, où sur une table devant la cheminée, entre les 2 baies communiquant avec la serre, étaient disposées des liasses de lettres. C'étaient quelques-unes de ces lettres que le baron voulait soumettre au colonel pour avoir son sentiment sur la solvabilité et surtout la valeur morale de ceux qui les avaient écrites. En plus de la parfaite concordance dans l'heure, il y avait encore un point décisif dans le plan du baron. Il fallait qu'au moment où Carmélita entrerait dans la serre, le colonel et lui gardassent le silence dans le salon, Car si Carmelita entendait la voix du colonel, il était bien certain que, malgré la surprise que lui causerait la brusque arrivée de Bello, elle ne parlerait pas. Quand on se poste pour surprendre les gens, il est facile de garder le silence, mais ce n'était point là le cas du colonel, et il était impossible de lui dire franchement « Taisez-vous ». Le baron avait prévu cette difficulté et il avait trouvé un moyen pour la tourner. Tout d'abord, après avoir fait asseoir le colonel devant la table chargée de lettres et de manière à faire face à la serre, il prit ses lettres et d'une voix forte, il adressa ses questions au colonel en lui nommant les personnes sur lesquelles il désirait être renseigné. Il suivait l'aiguille sur le cadran de la pendule. Il avait encore 6 minutes pour être bruyant. Ce qui devait arriver se réalisa. Le colonel répondit que parmi les noms qu'on lui citait, il y en avait plusieurs qu'il ne connaissait pas. Le baron se montra vivement contrarié. « Je suis un bien mauvais négociant, » dit le colonel en riant. « Et puis ces personnes habitent Cincinnati et mes relations avec cette ville n'ont jamais été bien fréquentes. »« Cependant, vous connaissez M. Wright, le père de cette délicieuse jeune fille avec laquelle j'ai dîné chez vous. »« Sans doute, mais... »« Est-ce que M. Wright ne pourrait pas vous renseigner à ce sujet ?» interrompit le baron, pressé par l'heure. « Ah, assurément. Et je lui demanderai volontiers ce que vous désirez savoir. »« Si vous vouliez, quoi donc ?» Me donner une lettre d'introduction auprès de M. Wright. Je lui demanderai moi-même ses renseignements. Vous n'avez pas besoin d'une lettre d'introduction, il me semble. Si, je préfère une lettre non seulement d'introduction, mais encore de recommandation. Cette affaire est pour moi capitale. Ma fortune est en jeu. Alors je vous ferai cette lettre. Voulez-vous la faire tout de suite ? Dit le baron, tendant une plume pleine d'encre. Volontiers. Et le colonel se mit à écrire. Il était 2h58. Le baron tenait ses yeux attachés sur la pendule et, malgré son flegme ordinaire, il était agité par des mouvements impatients. 3 heures sonnèrent, le colonel écrivait toujours. À ce moment, le baron entendit un bruit de pas sur le gravier de la serre, puis presque aussitôt une porte se referma dans un châssis en fer et un verrou glissa dans une gâche. Bello était entré derrière Carmelita. Instantanément, un cri retentit. « Lorenzo !» Le colonel leva brusquement la tête. La voix qui avait crié était celle de Carmelita. « Oui, moi !» répondit une voix que le baron reconnut pour celle de Bello. « Ici ? Vous n'avez pas voulu me recevoir chez vous. Vous n'avez pas répondu à mes lettres. Je vous ai suivi et me voilà. Maintenant, nous allons nous expliquer. Et quelle explication voulez-vous ? Une seule. Que vous me disiez pourquoi ? Vous ne voulez pas pour votre mari celui que vous avez bien voulu pour votre amant. » Le colonel s'était levé. Il se dirigeait vers la serre. Le baron le retint par le bras. « Écoutez, » dit-il, mais le colonel se dégagea. « Je vous ai dit que j'empêcherais ce mariage, » continua la voix de Bello, « et je l'empêcherais. Dussé-je aller dire au colonel Chamberlain que vous êtes ma maîtresse ?» Le colonel était arrivé contre le store. D'un brusque mouvement, il le remonta. Devant lui se tenaient Bello et Carmelita en face l'un de l'autre. À la vue du colonel, ils reculèrent tous deux de quelques pas, et Carmelita se cacha le visage entre ses mains. Le colonel, l'ayant regardé durant quelques secondes, se tourna vers Bello. « Le colonel Chamberlain vous a entendu, » dit-il. « Vous n'aurez pas besoin d'aller à lui pour accomplir votre lâche menace. » Puis revenant à Carmelita, « Vous donnerez à votre oncle, » dit-il, « les raisons que vous voudrez pour expliquer que vous refusez d'être ma femme. » Et sans un mot de plus, sans un regard pour Carmelita, il rentra dans le salon. Alors, s'adressant au baron, « Nous reprendrons cet entretien plus tard, » dit-il. Le baron courut à lui, les deux bras tendus, mais le colonel déjà avait ouvert la porte. Il sortit sans se retourner.